Bonsoir tout le monde, bienvenue à la Cassos Party. Ça y est, c'est parti, tu bouges la tête, c'est la fête. Au fait, c'est moi qui paye, alors s'te plaît, vas-y doucement sur les bouteilles. On verse les verres au détail. Détail, toi jamais t'as une pédale, on détonique killer. Dans ma team, y'a que des winners. On commence pas avant minuit, une heure. J'suis dans la place, ça y est, c'est le bonheur. Ça va être chaud jusqu'à demain matin, bonheur. Les invitations, moi je les fais par MSN. Tout le monde me fait innovation lorsque je monte sur scène. T'as tout compris, ce soir c'est moi le mécène. Toi là-bas, j't'ai grillé avec ton regard obscène. Sérieux, mon fade à la ramasse, alors que j'raconte pas la messe. Peux pas venir, envoie-moi un SMS. Faut aller te chercher, envoie-nous un SOS. Impossible de zapper une soirée qu'à SOS. Ce soir, ton orange exigé, représente obligé. Rejoins les cassos au QG, prends tes places au guichet. Yermo, prends le mic pour vous faire bouger. Trop danger, mais t'es tout arrangé, croyez-moi, on n'est pas couché. Bienvenue à la cassos party. Dès qu'on arrive, c'est parti. Ramène tes potes du quartier, car on fait pas les choses à moitié. Bienvenue à la cassos party. Dès qu'on arrive, c'est parti. Sur la scène pour rapper, chanter. Selon réserve et au déjanté. Let's go. Salut, je me présente, Toninho, je représente tous mes sauces dans la place. Prends le mic, je me replace dans la fosse, plus d'espace. Mon sceptique en pleine face, tu m'as vu, moi je chante sur un dos, je me dépends. Attention, va falloir suivre, et je te conseille pas d'être ivre. Quand je pars, je m'arrête plus, mais faut pas te sentir exclu. Si t'arrives à prendre le rythme, je t'emmène au bout de mes rimes. Si jamais t'y arrives pas, je me demande ce que tu fais là. On est là pour mettre l'ambiance, on fait ça tout en cadence. Je veux voir vos mains levées, car le niveau est élevé. Je présente la familia, s'il faut, je rentre dans ta. Je suis à fond pour ma section, nous on bat. La dépression, cherche pas, tu peux pas tester. Mais je vais pas te dire qu'on déteste. Avec ce son, cherche pas l'embrouille. Je veux juste te foutre la trouille. Les cassos sont de retour. Je peux te dire, ça vaut le détour. Les mots de Julien et Tonio, cassos parti entre poteaux. Je suis sûr que tu t'éclates et que cette soirée t'épate. Montre-nous que t'as la patate. Alors fais péter les watts. Ce soir, il faut que ça déboîte. Sur l'instru, c'est moi qui squatte. Cassos parti, bien mieux qu'en boîte. Bienvenue à la cassos party. Dès qu'on arrive, c'est parti. Ramène tes potes du quartier, car on fait pas les choses à moitié. Bienvenue à la cassos party. Dès qu'on arrive, c'est parti. Sur la scène pour rapper, chanter. Selon réserve et au déjanté. Les cassos t'invitent à te bouger sur ces 10 cas. T'éclater avec ta clique, à profiter de cette fusque unique. T'es permis dans la cassos party, chanter, danser, chatter, draguer, s'amuser entre amis jusqu'au bout de là. C'est tellement énorme qu'on en part jusqu'au JT. Alors pas la peine de rester là, dans ton coin à cogiter. Viens nous rejoindre sur la piste, tout de suite sans hésiter. Vas-y choisis ta playlist, on a ta zik à débiter. Tout le monde est agité, même les filles sont en transe. C'est le moment d'en profiter, allez mon pote, tant que ta chance. T'as jamais vu meilleure ambiance, j'espère que t'en as bien conscience. Allez maintenant rentre dans la danse et impose-y ta cadence. C'est ça. Bienvenue à la cassos party. Dès qu'on arrive, c'est parti. Ramène tes potes du quartier, car on fait pas les choses à moitié. Bienvenue à la cassos party. Dès qu'on arrive, c'est parti. Sur la scène pour rapper, chanter. Selon réserve et au déjanté. Bienvenue à la cassos party. Dès qu'on arrive, c'est parti. Ramène tes potes du quartier, car on fait pas les choses à moitié. Bienvenue à la cassos party. Dès qu'on arrive, c'est parti. Sur la scène pour rapper, chanter. Selon réserve et au déjanté. Alors, la sauce.